Chapitre 2. C'est à Lyon-sur-Rhône, où il était pour lors en garnison, qu'Emmanuel avait appris les noces de sa parente. Car elle était un peu sa cousine à la mode de Bretagne, cette riche héritière, les Prigents et les Guillaumard ayant mêlé leur sang autrefois, quand les ancêtres dont il était issu faisaient encore figure parmi les notables de la paroisse. « La malheureuse » s'était-il écrié en repliant la lettre qui lui avait apporté la nouvelle. Il ne connaissait que trop le Dagorne pour s'être rencontré avec lui en maintes occasions aux charrois d'automne, aux assemblées de printemps. Et tout de suite, sa première pensée avait été pour plaindre la délicate Renéanne de tomber entre les mains de ce rustre, de cette espèce d'Hercule paysan qui tenait moins de l'homme que du taureau dont il avait la force, les colères aveugles et aussi la stupidité. Jamais, toutefois, il n'eût osé concevoir, même d'un tel être, les abominables violences auxquelles il dut assister à Guernaham. Le hasard avait voulu qu'à son retour du service, la place de valet de charrue fût vacante chez Constant Dagorne. « Personne n'y reste, affirmait-on de toutes parts aux soldats libérés. Mieux vaut se faire ramasseur de crottins sur les routes que d'accepter de vivre dans un pareil enfer. » Ce fut peut-être la raison qui, plus encore que la nécessité d'assurer sa subsistance, décida Emmanuel Prigent à se présenter. Dès qu'il eut exposé le but de sa démarche, il crut lire une sorte de gratitude attendrie dans le regard que fixa sur lui Renéanne. Quant à Dagorne, dont l'haleine empestait l'alcool, il marqua une satisfaction goguenarde de voir s'offrir chez lui, comme domestique, un jeune homme de sa parenté. « Top là ! » bégaya-t-il d'une voix pâteuse. Et pour arroser le pacte, il força le nouveau charrueur de vider avec lui une bouteille de genièvre aux trois quarts bu depuis le matin. Car les dernières lueurs d'une intelligence qui n'avait jamais brillé que d'une flamme incertaine, il achevait de les perdre dans l'ivrognerie, le misérable. Et d'autres vices lui étaient venus, des vices abjects, innommables, qui n'étaient plus d'un chrétien, mais d'une bête. Oh, ce premier hiver à Guernaham ! Emmanuel en avait gardé une impression sinistre. Il couchait, selon l'usage, dans l'écurie avec les chevaux. Parfois, très avant dans la nuit, le matin déjà proche, il entendait Dagorne entrer en s'épaulant au mur dans le logis d'habitation que les maîtres occupaient seuls. Et de l'intérieur de la cuisine, où était leur lit héréditaire à gauche de l'âtre, s'échappaient soudain des jurements, des vociférations obscènes, suivies d'un bruit sourd de piétinements et de coups. Alors, entre ses draps de toile bise, tout son corps bouillait. Il brûlait d'envie de se lever, de courir au monstre, de l'empoigner à la nuque et de lui ployer la tête à terre comme on fait pour les bœufs affolés. Mais il n'osait, à cause de Renéanne. Il sentait confusément que son intervention, en ces occurrences pénibles, l'eût froissé au plus profond de ses pudeurs de femme. Il n'avait pas été sans remarquer de quelle réserve, chaque jour plus hautaine, elle s'enveloppait dans son martyre. Ne poussait-elle pas l'héroïsme jusqu'à prendre devant son père la défense de son mari, jusqu'à feindre au regard du monde des gestes d'une tendresse câline pour ce bourreau bestial et répugnant? Une nuit, cependant, par extraordinaire, elle avait appelé Emmanuel à son aide. Ivre-mort, Le Dagorn avait buté contre la marche du seuil et s'était allongé à la renverse, la face baignant à demi dans le purin de la cour. Trop faible pour soulever cette masse, Renéane vint heurter à lui de la crèche et là doucement son cousin. À eux deux, ils avaient transporté l'homme dans le lit et lavé ses souillures immondes. Puis, après quelques paroles de remerciement, la jeune femme, en congédiant Emmanuel, avait ajouté « Inutile d'ébruiter la chose, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs la première fois que cela arrive. D'ordinaire, il tient mieux la boisson. » Cette chute avait dû casser quelques ressorts vitaux dans la puissante organisation de Constant Dagorn. À partir de ce moment, on le vit décliner de jour en jour. Ses muscles de fer s'amollirent. Sa chair énorme coula. Des taches de lèpre cadavérique se montrèrent çà et là sur sa peau, comme si le travail de la mort était commencé. Il ne parut plus aux champs, renonça même à se traîner au cabaret d'alentour. Mais au lieu de s'éteindre, sa fureur de boire s'était exaspérée. Il s'imaginait puiser dans les bouteilles un élixir de vie capable de réparer les forces qui l'abandonnaient. Il avait des regards, des gestes de fou. Des luxures étranges nées de l'alcool hantaient son cerveau. On était au mois tiède dans la saison des foins. Le débraillement des faneuses qui rentraient en sueur, leurs chemises de chanvre collées à leurs seins, excitaient chez lui des rires convulsifs, faisaient passer dans ses yeux des désirs effrayants de damnés. Et le soir, après la clôture des portes, les scènes de ménage continuaient de plus belle. « Il ne crèvera pas avant de l'avoir tué ?» se disait le charrueur en prêtant l'oreille à ce sabbat, à cette horrible messe noire dont Renéane était l'hostie douloureuse, farouchement résignée. S'il n'avait bondi à son secours, malgré elle, certains soirs de juillet, on l'eût assurément couchée morte le lendemain dans le cimetière de la paroisse. Il frémissait encore d'indignation à ce souvenir, et aussi d'une autre sorte de trouble qu'il ne s'expliquait pas. C'était un dimanche. Il s'était attardé au bourg à jouer aux quilles. En traversant l'air pour gagner son étable, il vit la fenêtre de la cuisine éclairée. Par instant, une ombre passait, avec des gesticulations bizarres. Une curiosité le prit. Une irrésistible envie de savoir. Il s'approcha sur la pointe des pieds, appuya son front à la vitre et demeura quelques minutes, hébété, refusant d'en croire ses yeux, figé comme devant le spectacle d'une abomination de l'enfer. Cette brute satanique de Dagorn allait et venait d'un bout à l'autre de la pièce, un grand fouet de charroi dans sa main droite et, tordu comme une longe autour de son poignet gauche, la brune chevelure de Renéane, dont le corps, presque entièrement dévêtu, traînait sur les dalles, tous triés par les coups de fouet d'un réseau de marbrures sanguinolentes. Briser un carreau, faire sauter l'espagnolette intérieure, franchir la fenêtre et la table, terrasser le monstre abasourdi par la brusquerie de l'attaque, ce fut pour Emmanuel Prigent l'affaire de 20 secondes. Avec la courroie du fouet, il garrotta solidement les jambes de l'homme. « Toi, murmura-t-il, d'ici quelque temps, tu ne bougeras plus. » Mais quand il fut pour soulever le corps évanoui de la jeune femme, il hésita, perdit la tête, ne sut que s'agenouiller auprès d'elle et l'appeler tout bas, d'une voix peureuse, d'une voix qui tremblait. René-Anne, René-Anne. Sa gorge, quasi enfantine, était découverte, laissait voir un coin de chair blanche d'une pâleur nacrée. Il se dépouilla de sa veste et l'étendit religieusement sur elle. Dans ce mouvement, ses doigts la frôlèrent. Elle rouvrit les yeux. Alors lui, par crainte qu'elle ne lui sût mauvais gré d'être là et de l'avoir surprise en ce désordre, il s'enfuit. Ni le lendemain, ni jamais depuis, René-Anne n'avait fait une allusion à ce qui avait pu se passer. Quant au Dagorn, il eût été fort en peine de manifester un ressentiment quelconque. Sa fureur d'avoir été mis par son domestique momentanément hors d'état de nuire lui était montée à la tête en un transport de sang. Et du coup, pensée, mémoire, l'usage même de la parole, tout était parti. Il avait pourtant vécu des semaines encore, soigné, veillé par sa femme, tandis que sa propre parenté faisait allumer des cierges devant Saint-Tupédu pour lui obtenir un prompt repas. La délivrance était enfin venue, un jour d'août, comme on achevait de battre la moisson. Et ça avait été un soulagement universel qui se fût peut-être traduit d'une façon peu décente, n'eût été le respect d'un chacun pour la tristesse sans affectation de René-Anne, la nouvelle veuve. Le soir même des obsèques, celle-ci avait pris à part Emmanuel Prigent. « Tu es un peu de notre famille, » lui dit-elle. Et je n'ai pas été sans voir que tu avais de l'intérêt pour nos champs. Veux-tu me continuer tes services? Tu auras la surveillance de la terre et tes gages seront doublés. » Il avait fait oui de la tête, sans pouvoir proférer une parole de remerciement dans l'émotion de sa surprise et de sa joie. Car il s'était attaché à ce Guernaham où personne ne restait. Et tout lui en était devenu cher. La maison, les granges, les étables, les labours, jusqu'aux cressonnières des douves dans les chemins creux, jusqu'aux semis de landes sur le talus. René et Anne lui priaient, ma foi, d'y demeurer pour rien, fût-ce en qualité de gardeur de vaches, qu'il eût accepté. Or, voici que depuis 2 mois, il y commandait en maître sur les hommes et sur les harnais. Les débuts, certes, avaient été pénibles. Les autres domestiques s'étaient obstinés longtemps à ne considérer en lui qu'un de leurs pères, discutant ses ordres, se refusant même à les accomplir. Mais il avait fini par dompter les plus rebelles. Si l'on grommelait parfois encore, quand il avait le dos tourné, du moins on obéissait. De l'avis du vieux Guillaumard, le père de la veuve, qui faisait une apparition chez elle de temps à autre, jamais les choses n'avaient aussi bien marché à Guernaham. René-Anne, de son côté, se montrait ravie. Bref, il n'avait de toute manière qu'à se louer de sa condition présente. Pourquoi donc cette amertume qui, insensiblement, s'était levée en lui, gagnant toute l'âme et voilant d'une tristesse subtile les pacifiques images de son bonheur ?